Voici la lecture du roman de Henri Barbusse, L'Enfer. Ce livre porte comme titre L'Enfer, mais vous ne trouverez rien d'infernal dans ces textes. En fin de livre, on arrive à comprendre que, contrairement à Jean-Paul Sartre qui dit « L'enfer c'est les autres », l'enfer est en nous. Et pourtant, c'est le même huis clos. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui a loué une chambre pour quelques jours et, par un défaut du mur, il peut assister incognito aux scènes qui se déroulent dans la chambre voisine où passent des couples, des amants, des poètes et d'autres gens. Il les observe, il écoute leurs réflexions, et cela meuble tout un monde de représentations et de réflexions qui le conduisent à réfléchir sur lui-même, sur le sens de la vie. L'enfer, en fait, c'est la quête incessante de la vérité qui, en fonction de notre ressenti et de notre conscience, varie constamment. Ce livre a été lu pour AudioCité.net. Il a été téléchargé et lu sur le site Lire en ligne. La musique d'accompagnement est de ma composition. Sa durée d'écoute est de 8h23.